Et la dette? Avez-vous pensé à la dette? Et la dette? Avez-vous songé à la dette? Étouffe-toi avec ta cravate. Étouffe-toi et reste à quatre pattes. La société des loisirs, ce n'est pas pour demain. Les gens devront prévoir travailler jusqu'au jour de leur mort. Étouffe-toi avec ta cravate. Étouffe-toi, reste à quatre pattes. Afin de faire face aux nombreux défis de la mondialisation et de l'essor économique est-asiatique. Et de plus, avez-vous songé à la dette? Au poids de la dette? Étouffe-toi avec ta cravate. Étouffe-toi. Mesdames et messieurs, de la place, s'il vous plaît. Pour les grands penseurs cravatés, les gens et les aisés. Mesdames et messieurs, place aux grands lucides de ce monde. Afin de faire face au vieillissement de la population et aux catastrophes naturelles hautement appréhendées, il faudra prévoir se serrer la ceinture et dents.